La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de course à pied. On vous a parlé qu'il y avait un test pour les demi-marathons la semaine passée qui s'est tenu à Dolbeau, Mistassini. Pour savoir un peu comment ça s'est passé, est-ce que c'était conclu, on parle avec Gilles Bouchard. Salut Gilles! Salut! Gilles, est-ce que ça a été conclu? Moi, je dirais que oui, c'est un test. C'est sûr que là, on l'a fait sur invitation. On a invité des coureurs du coin à venir tester. C'est surtout pour tester le parcours qu'on voulait. OK. Parce que c'est un... Moi, je trouve que les demi-marathons qu'il y a ici au Saint-Alexandre, il y en a deux. Ouais. Il y en a un à Saint-Ambroise, puis il y en a un à Alma. Puis on les court dans le champ. Là, t'sais, là, c'est pas vraiment des beaux parcours. Puis c'est des boucles de 7 kilomètres. Puis nous autres, ce qu'on a fait, là, c'est un demi-marathon avec un départ à Saint-Jean-d'Arc, puis l'arrivée à Dolbeau. Okay. Un 21, tu sais, avec le trajet qui change tout le long. Avec un super beau trajet. Moi, je trouvais que ça fait longtemps que j'y pensais à ce trajet-là. Mm. Puis on l'a mis à l'essai. Puis tout le monde était complètement satisfait. Puis en plus, on n'a pas pogné vraiment une belle journée pour le faire. Il a plu un peu l'avant-midi. Ouais. Mais ça a été vraiment très satisfaisant. Toutes les coureurs n'auraient pas eu de mauvaise critique. Tout le monde était content. Comment vous étiez pour ça? J'ai eu 20 coureurs. C'est quand même bon pareil? Ben, c'est ça. Moi, au début, je m'attendais d'avoir une quinzaine de coureurs. Mais quand j'ai vu l'intérêt qu'il y avait sur le site Facebook que j'ai fait, site Facebook du Club du Mille, je m'attendais un petit peu plus que ça. Okay. Je m'attendais un peu plus que ça. Plus ça avançait dans le temps, plus je pensais que j'allais être bon peut-être pour remplir un autobus. Ah oui, OK. Mais avec 20 coureurs, c'était quand même satisfaisant. OK. Dis-moi, moi, je trouvais que c'était pas assez large. Est-ce que ça a été, parce que j'en avais parlé avec Paul Morel, puis Paul m'avait dit non, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais est-ce que c'est assez large, la piste? Ah, toi, tu parles de la piste cyclable? Ouais. Ah, OK. Non, c'est en masse. Non, c'est correct. OK. Il n'y a pas de problème. Ah non, c'est pas... C'est sûr que si on part peut-être Saint-Jean-d'Arc, peut-être avec un plus grand nombre de coureurs, mettons 100 coureurs, peut-être que ça pourrait peut-être être un petit peu une difficulté, mais... Les deux premiers kilomètres, là, c'est bien droite. OK. Puis après deux kilomètres, là, un peloton, ça s'étire. Ça s'étire rapidement. OK. Parce qu'il y a tellement de disparités entre les coureurs, là, que ça s'étire rapidement, un peloton. Là, c'est quoi la suite des choses? Parce que j'ai fait une entrevue avec Bernadette Girard l'autre jour. Bernadette Girard, qui mentionnait la présidente du circuit autocar genois, j'ai carrément posé la question. Dolbeau, Mistassini, ils veulent avoir un marathon et ils veulent s'intégrer dans votre calendrier. Puis, pas de l'air chaud à l'idée. Oui, je sais que je l'ai pris ton entrevue. Oui, puis c'est comment qu'on réagit là-dessus? Ben là, moi, j'avais envoyé un courriel à Mme Girard pour qu'elle envoie quelqu'un comme observateur, si tu veux, comme observateur. Mais j'ai jamais eu de réponse à ce courriel-là. Mais bien, vu que son intérêt n'était pas là. Oui. Merci. Plus l'entrevue, ça donne pas grand... vous allez... Oui, mais je t'ai aperçu que l'entrevue... Ben, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait déjà des courses de trop sur le circuit. C'est sûr, ils sont rendus à 21 courses sur le circuit. Sauf que nous autres, la période qu'on a choisie, là, à partir du 7 mai, là, qu'il y a une course, là, ils appellent ça la petite randonnée à Saguenay, je l'ai faite, cette course-là. T'sais, à partir de là, la prochaine, c'est la relève. Okay. La relève à Dolbeau. Fait qu'il y a 21 jours qu'il n'y a pas de course. Moi, je trouvais que c'était un fit parfait, la mettre là. De nos jours, là, au printemps, cette heure, les coureurs, ils sont prêts là, à faire un demi, là. La plupart des coureurs. Tu sais, là, quelques années, on n'aurait pas eu de monde, mais là, ça court, là. OK. Mais ça vous empêche pas... Je pense qu'elle va quand même étudier, mais qu'elle voit l'intérêt, si on fait une autre édition l'an prochain, là. OK. Mais ça vous empêche pas d'en faire un qui n'est pas dans le circuit autocar genois? Absolument pas. Non, moi, ça me retarde pas partout. J'aimerais ça qu'il serait intégré au circuit, mais s'il ne l'est pas, c'est pas plus grave que ça. On fait ça pour le plaisir des coureurs. OK. Ouais, c'est ça. Donc là, avec tout ce que vous avez fait comme essai et ainsi de suite, ce qui semble positif, est-ce qu'on peut affirmer que Dolbeau Mistassini aura son demi-marathon, c'est-à-dire en 2020? Ben, on peut affirmer qu'on va essayer de l'avoir, mais ça nous prend des permissions, parce que cette année, là, pour traverser la route à Mississauga, la 169, vu qu'on n'avait pas un nombre énorme de coureurs, puis qu'on s'était pris un petit peu tard, on n'a pas eu la permission du ministère du Transport. Okay. Mais on avait des policiers qui patrouillaient dans le coin, tu sais, pour faire slacker le trafic. Mais qu'on ait toutes les permissions, puis qu'on ait de quoi annoncer, c'est sûr que c'est l'objectif, c'est d'annoncer un demi encore pour l'an prochain. OK, mais ça s'organise, ça peut s'avoir assez facilement. Il s'agit juste de se prendre assez tôt, puis c'est tout. Exactement, c'est ça. Là, on s'est pas rencontré pour analyser encore la situation, là, mais okay. On va faire ça dans le prochain jour. Ben, Gilles Bouchard, merci beaucoup pour le plaisir de se parler, puis je ne te passe pas de l'annonce de demi-marathon de Boom-Sassin. OK, c'est bon. Gilles Bouchard qui s'occupe du demi-marathon qui aura lieu à Dolbeau-Mississauga en 2020.